Chapitre 26e. Toute la maison était sens dessus dessous. La baronne était sortie de sa longue syncope que pour tomber en délire, et les deux médecins qu'on avait mandés, sachant qu'elle n'avait pas de parents à Kleinwald, parlaient ouvertement de sa mort prochaine. Anna exigeait qu'on lui laisse prendre sa part de tous les soins que donnaient à la malade les deux infirmières venues de Stralsund. Elle lui prodiguait ses soins avec une ardeur d'autant plus passionnée qu'elle sentait combien le décès de la pauvre fille laisserait le monde en général calme et indifférent. Les médecins et les gardes malades, habitués à ces choses, ne pouvaient réellement pas perdre le boire et le manger pour un cas complètement dénué d'intérêt. Frau von Treumann déclarait au moins une fois par jour la chose « schrecklich », épouvantable, et continuait sa tapisserie. Fräulein Kuhrauber avait pris l'habitude de se mettre à pleurer chaque fois qu'elle traversait le couloir et qu'elle entendait les cris et les divagations de la baronne. Mais elle avait la larme facile et souriait déjà en bas de l'escalier. La princesse avouait que la mort, dans le cas présent, serait une délivrance. Et Miss Leach et Letty, fuyant la maison, passaient les longues journées d'été dans les bois ombreux et parfumés, pleins de vie exubérante. Pour Anna, un étranger la voyant au chevet de la baronne serait demeuré persuadé qu'elle soignait l'être le plus cher qu'elle eût au monde. Une compassion immense, sans bornes, la tenait toute. Si elle guérit, jamais plus elle ne sera malheureuse, se répétait-elle sans cesse pendant ces longs jours où elle croyait entendre la mort frapper à la porte. Ici, ailleurs, où elle voudra, je veux qu'elle vive heureuse. Elle verra que l'existence de sa pauvre sœur n'a rien changé entre nous, excepté qu'il n'y aura plus de secret. Elle m'aimera peut-être enfin. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Quand, dans la seconde semaine de juin, la baronne, lentement, en hésitant, parut vouloir tourner ses pas vers la convalescence, Anna dut s'avouer que rien n'était changé. À peine convalescente, la malade redevint plus irritable, plus quinteuse que jamais. « Le naturel reviendra », avait prédit Axel, le jour où sa bonne amitié reçut une si grave atteinte. Elle avait vu juste. Mieux la baronne se portait, plus son humeur empirait. Bientôt la vie redevint pareille à ce qu'elle était avant la crise. Elle reprit son cours habituel et chacun rentra dans son ancien moi, avec cette différence que la baronne semblait s'être entourée d'une muraille de glace plus épaisse 10 fois qu'auparavant. L'ombre de Loli, cette Loli dont on ne prononçait jamais le nom, parut s'interposer à jamais entre elle et ses compagnes. On eût dit que ses travers et ceux de Frau von Treumann s'étaient péniblement accentués. Et bientôt, en outre, il devint évident qu'elles étaient résolues à ne plus s'adresser la parole. La situation devenait tous les jours plus embarrassante. « Je demanderai conseil à Axel », se disait Anna à tout instant. Et, se rappelant soudain qu'il n'était plus à sa portée, elle demeurait interdite et rêveuse. Il n'avait pas reparu depuis le malheureux jour. Anna ne l'avait pas même aperçu de loin, et aucune nouvelle ne lui était parvenue au château. On aurait pu croire qu'il avait quitté l'homme. Jamais elle ne se serait doutée que son ami lui manquerait à ce point. La pensée que tout était fini entre eux lui perçait le cœur. Elle se sentait seule, isolée dans la vie, l'âme étreinte d'une vague tristesse, désœuvrée et mélancolique, à tout moment ses yeux se mouillaient de larmes sans cause. Plus tard, se rappelant ses larmes et tous les jours passés, il lui semblait que ce furent les derniers moments d'un long sommeil, le sommeil de l'enfance, qui s'était prolongé pour elle au-delà des bornes ordinaires. Elle allait être violemment réveillée, et sa vie durant garder les yeux ouverts. Miss Escort, ayant besoin de conférer avec son banquier, se rendit un jour en voiture à Stralsund, accompagnée par Miss Leach. Elle sortit de cette entrevue assez mélancolique, le banquier n'ayant pu lui dissimuler qu'elle avait déjà dépensé les 2/3 de son revenu annuel. On déjeuna chez le pâtissier, on prit des glaces, et après une promenade en ville, où la beauté et la fraîche toilette d'Anna firent sensation, Fritz et les chevaux étant reposés et restaurés, on reprit le chemin de Kleinwald. Comme la voiture approchait des grilles de l'homme, on en vit sortir un drosch qui fermait, suivi de près par un second fiacre, et Anna ne put se retenir de se pencher pour voir qui sortait du château. Elle aperçut M. Delhomme, assis dans la première voiture, vêtu de son costume habituel, blouse de chasse, guêtre et feutre mou. Il était accompagné de 3 hommes, gens de mauvaise mine, en redingote et haute forme, roussis par l'usage. Axel était assis à la portière ouverte. Instinctivement, Miss Escort s'inclina, mais bien qu'il la regardât en face, les yeux grands ouverts, il ne lui rendit pas son salut. Anna devint plus blanche que sa robe. Le second drojki contenait quatre autres individus de basse mine, également vêtus de noir. À peine eurent-ils passé que Fritz, arrêtant court ses chevaux, se retourna stupéfait sur son siège pour voir disparaître le singulier cortège. Axel venait de manquer gravement à Miss Escort, mais ce ne fut pas l'injure reçue qui la fit pâlir. Ce fut cet étrange regard, fixe, vitreux, et qu'il n'avait pas vu. « Qui sont ces gens ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante au vieux cocher. Mais Fritz ne répondit pas. Secouant la tête, il remit son attelage au trot. Puis s'arrêtant de nouveau il regarda longuement en arrière. Enfin, secouant toujours la tête, il continua sa route. « Fritz, les connaissez-vous ? » répéta Anna d'un ton plus péremptoire. Mais marmonnant comme un vieux dogue, dans sa barbe grise, il se refusa toute explication et continua son chemin tête basse. L'expression du bonhomme, mélange de surprise et de consternation, n'avait pas échappé à Miss Estcourt. Sans savoir pourquoi, elle sentit son cœur devenir comme une lourde pierre dans sa poitrine. En passant devant le bureau de poste du village, on aperçut un petit rassemblement. Les gens parlaient fort, gesticulaient. Ils s'arrêtèrent en apercevant la voiture de Kleinwald. Le vieux Fritz fouetta ses chevaux et continua plus vite. « Fritz, arrêtez, il faut que je descende !» « Je veux parler au Herr Pastor !» s'écria Anna en arrivant au presbytère. « Vous m'attendrez un instant, Miss Leach, ce ne sera pas long. » Elle traversa le parterre de son pas souple et long. La petite bonne était en train de débarrasser la table sous la tonnelle, et Frau Manske arriva en courant dès qu'elle entendit Anna demander son mari. Rouge, décoiffée, elle paraissait hors d'elle-même. « Il n'est pas là » cria-t-elle sans aucune formule de politesse. « Il est encore au château. Gott du Allmächtiger. Dieu tout-puissant. Vit-on jamais rien de si épouvantable ?» Anna pâlit encore. « Quoi ? » fit-elle, les lèvres sèches. « Que s'est-il passé ? Comment la gracieuse demoiselle ne le sait pas ?»« Je ne sais rien, » murmura Anna, se sentant défaillir. Frau Manske se rengorgea. « Quelle chance ! Être la première à annoncer une pareille catastrophe ?» Puis se rappelant les bruits qui couraient sur les fiançailles secrètes de la Miss et de Monsieur Delhomme, elle la regarda curieusement. Qu'allait-elle faire? Comment se comportera-t-elle? Sans doute, elle se trouva mal. Ah, combien romanesque! La police vient à l'instant d'arrêter Herr von Lomme, annonça-t-elle. Mais Anna se redressa soudain, grande et irritée, tout son courage en armes. Pourquoi? De quoi l'accuse-t-on? Demanda-t-elle d'un ton altier peu convenable. Formanske le sentit, pour une jeune personne dont le fiancé était en si mauvaise passe. « C'est lui qui a mis le feu aux écuries !» répliqua la pastorine. « C'est faux !» s'écria Anna avec une énergie que l'épouse du pasteur déclara, plus tard, peu féminine. « Pardon, gnädiges Fräulein, gracieuse demoiselle. Il l'a fait pour avoir l'argent de l'assurance, paraît-il. C'est un mensonge odieux !» répéta froidement Miss Estcourt. « Des témoins oculaires sont prêts à jurer devant Dieu !» Ils prêteront un faux serment, répliqua Anna avec la même énergie concentrée. Puis, se détournant, elle remonta en voiture auprès de Miss Leach. Allez, ordonna-t-elle à Fritz. Droite et fière, les yeux brillants et fixes, elle demeura silencieuse le reste du trajet. Arrivée dans ses bois, elle descendit de voiture et, laissant Miss Leach rentrer seule, elle s'enfonça sous les hautes futaies, prit un sentier de traverse qui menait directement à l'homme. Elle marchait vite. Elle voulait savoir tous les détails de l'arrestation. On jaserait de son arrivée seule chez Monsieur Delhomme, qu'on jase. Quand elle saurait tout, elle irait retrouver Axel lui-même dans sa prison. On la blâmerait, on la calomnierait, qu'importe, tout cela si piètre, si insignifiant, toutes les commères d'Allemagne réunies ne l'empêcheraient pas d'aller retrouver son ami. Ses yeux avaient un regard nouveau. Pour la première fois de sa vie, elle regardait en face la réalité et non le rêve, la vie et non le roman. Pour la première fois, elle voyait clair dans son cœur. Au détour d'un sentier, elle se trouva soudain vis-à-vis de Manske. « Je venais vous trouver, » s'écria-t-il. « Et moi, je viens le trouver, » répliqua-t-elle. « Oh, ma chère, ma gracieuse demoiselle !» s'écria le pasteur en versant des larmes. « Ne pleurez pas, cela ne peut lui servir à rien. Comment ne pas pleurer après ce que j'ai vu en ce jour? Ne perdons pas de temps, » s'écria-t-elle en se remettant. « En route, il faut aller à son secours, où l'a-t-on mené ? En prison, ou à Stralsund, pour longtemps, jusqu'au procès. Et le procès commencera quand? Dieu le sait. Je vais le trouver. Vous m'accompagnerez. Prenons des chevaux. Oh, ma chère et bonne miss, on ne nous laissera pas entrer, s'écria le pauvre homme. Pour vous, cela est hors de doute, et pour moi, c'est à peu près certain. Le chef des policiers, quand j'implorais la permission de visiter mon maître bien-aimé, se montra d'une grande brutalité. À quoi bon? Me dit-il, le chapelain de la geôle est là, s'il tient tant que ça à dire des patenôtres. Laissez, mon pauvre Manske, dit alors mon gracieux maître. Mais comme j'insistais, fichez-nous la paix, cria cet homme. Oui, gnädiges Fräulein, c'est ainsi que ce sbire s'exprima. Allez pleurnicher auprès des autorités, si vous voulez, ça ne me regarde pas. Quelles sont ces autorités? Je l'ignore. Hélas, je ne sais plus rien, ma tête se perd. Ce doit être à Stralsund. Nous les trouverons, dussions-nous les chercher de porte en porte, et vous verrez que j'entrerai. Oh, chère demoiselle, ne vous leurrez pas de cet espoir, c'est impossible. Seulement ses plus proches parents, a dit cet homme, sa femme, s'il en a une, ou sa fiancée. La porte du château était grande ouverte, le vestibule vide, et de loin, on entendait les éclats de voix des domestiques. La mamselle, la domestique, exprimait vertement son indignation d'avoir servi un incendiaire. Et le vieil intendant, qui avait vu naître Axel, la gourmandait de son peu de foi. Pendant que Manske allait demander la voiture, Anna entra seule dans le cabinet de l'homme. Le pasteur l'y retrouva, à genoux auprès du bureau chargé de papiers en désordre, l'encre encore fraîche et la plume jetée en travers d'une page commencée. Sans qu'elle le sût elle-même, ses lèvres s'étaient posées sur le mot inachevé, tandis que des larmes, qu'elle ne pouvait retenir, filtraient à travers ses paupières et baignaient ses mains jointes. Comment de telles choses étaient-elles possibles? Axel, mon pauvre ami! Le fier gentilhomme au nom sans tache, ainsi traîné sur la claie? Et ne lui être rien, ne pouvoir rien pour lui? Que faire? Comment le secourir dans ce pays étranger, sans un ami, sans un appui? Manske la trouva ainsi, les bras étendus sur la table contre laquelle elle pressait sa poitrine palpitante, comme si le bois insensible pouvait partager sa douleur. Les yeux clos, le visage navré. « Cher, chère miss, ne vous abandonnez pas à la douleur, » murmura-t-il. Il rangea un peu les papiers épars sur le bureau, puis ferma le tiroir et retira le trousseau de clés qui était demeuré suspendu à la serrure. Anna tendait la main pour le prendre, mais elle la laissa retomber. Elle était moins que Manske pour Axel, il était son pasteur, et elle, elle ne lui était rien. Bientôt la voiture d'Axel les emportait vers Stralsund. Inutile de les suivre dans leur pénible et long pèlerinage. Ballottés d'un concierge bourru à un porte-clés morose, partout ils se heurtèrent à la même réponse, on ne reçoit que ce rendez-vous fixé à l'avance. Seuls les proches sont admis auprès des prévenus sur ordre express des autorités. D'ailleurs, l'heure d'audience est passée. Manske était presque aussi inexpérimenté qu'Anna. Après un après-midi de démarches infructueuses, il fallut retourner à Kleinwalde sans avoir rien obtenu. Les étoiles brillaient paisiblement dans le ciel pur, et l'air était tout embaumé du parfum des foins coupés. Un rossignol triait dans un grand arbre, non loin de la demeure d'Axel, et au loin, la campagne tranquille était remplie du chant joyeux des grillons.